force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine en compagnie du roi des rois, en compagnie de celui qui s'appelle le bon berger. Je vais dire à quelqu'un, aie confiance que Jésus ne t'a pas abandonné. Il sera toujours, il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Nous allons aujourd'hui lire Néhémie chapitre 3 verset 1. À 32. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Néhémie 3, 1 à 32. Éliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères les sacrificateurs. Et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et imposèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les filles de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jokada, fils de Paseak, et Meshulam, fils de Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, les Gabaonites, Jadon, les Méronites et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Harhaja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumat. Et à côté de lui travailla Atush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pakash Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils de Alochet, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants des Anoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et imposa les fondements, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol Hosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et imposa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus de murs de temps de Siloé près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendirent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth Tour, travailla aux réparations jusqu'à vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Keila. Après lui travaillèrent leur frère Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, fils chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la moitié de l'arsenal de l'angle. Après lui, Baruc, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Bédaja, fils de Paréosh. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saille jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fille de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fille de Shelemia, et Arum, Anoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mikad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce long passage. Première vérité, chacun de nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons mettre la main à la pâte, quel que soit son rang social, pour faire l'œuvre de Dieu. Quand nous voulons faire l'œuvre de Dieu, comme ce fut le cas des enfants d'Israël qui réparaient la muraille de Jérusalem, nous nous rendons compte que c'est toutes les couches sociales. Il y avait plusieurs responsables, du plus petit au plus grand. Chacun devrait travailler. Dans l'église, on ne peut pas dire qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent faire quelque chose. Il n'y a que les diacres. Chaque membre a un rôle à jouer. Si tu es chrétien, tu es membre du corps du Christ. Si tu veux relever, tu veux faire l'œuvre de Dieu, toi-même, tu dois aussi te rendre compte que tu dois mettre la main à la pâte. Regardez ceux qui ont travaillé à la muraille, à la reconstruction de la muraille. On cite, par exemple, les sacrificateurs. Il y avait des sacrificateurs, c'était des hommes de Dieu. Le verset 1 dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent, en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. Il n'y a pas que les sacrificateurs. On nous dit par exemple, au verset 7, qu'il y avait des gens qui venaient de Gabaon, des gens qui ont travaillé, qui avaient des responsabilités. On dit à côté d'eux travaillèrent Melatia, les Gabaonites, Jadon, les Méronites et les hommes de Gabaon, de Mispa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. Et le verset 8 nous parle des orfèvres et des parfumeurs. Vous voyez, à côté d'eux travaillèrent Uziel, fils d'Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travaillait Anania, d'entre les parfumeurs. Ils ont travaillé pour la reconstruction ou la réparation de la muraille. On voit aussi qu'il y avait des chefs des districts. Il y a des gens donc qui avaient des responsabilités sur le plan administratif. Et ils travaillaient. Le verset 18 dit, « Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. » Et lorsque nous regardons encore, le verset 32 parle des orfèvres et des marchands, c'est-à-dire des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Tous, ils ont mis la main à la pâte pour faire l'œuvre de Dieu. Deuxième vérité, nous devons travailler dans l'unité et la complémentarité au sein du corps du Christ. Un homme seul ne peut rien faire. Le pasteur seul ne peut rien faire. Le diacre ne peut rien faire seul. Le président de la chorale, la présidente des mamans ne peut rien faire. Il faut que tous s'unissent autour du leader pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous travaillons dans la complémentarité. Pour que le travail de la réparation de la muraille se fasse, il fallait que chacun fasse sa part. Et à côté de lui, il y a quelqu'un d'autre qui travaille. Vous voyez, il y a l'expression « à côté d'eux ». Ça veut dire, c'est de manière complémentaire. Quelqu'un a fait, et puis toi, tu viens aussi, tu travailles à côté de lui. C'est-à-dire, pour faire ta part, il y a complémentarité. Nous, nous complétons. Vous voyez, cette expression revient « à côté d'eux ». Il est dit au verset 2, « à côté d'Eliashib, bâtir les hommes de Jéricho, à côté de lui, bâtir aussi Zakur ». Verset 4, à côté de travailla aux réparations de Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, à côté de travailla Meshulam. Verset 5, à côté de travaillèrent les Tekoïtes. Verset 7, à côté de travaillèrent Melatia, les Gabaonites. Verset 8, à côté de travailla Uziel. Vous voyez, à côté d'eux. Ça veut dire, nous nous complétons. Je vais dire à un couple, écoute-moi bien. Je vais dire à une femme, tu es femme d'un serviteur de Dieu. Tu dis, tu ne vas plus servir le Seigneur. Tu ne vas même plus aller à l'église. Non, le Seigneur me charge de te dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu dois travailler aux côtés de ton mari. Il ne faut pas regarder, même si les gens te combattent. Tu dois être aux côtés de ton mari. Tu dois compléter ton mari. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Tu es une aide semblable. Tu dois être aux côtés de ton mari. Nous devons travailler dans la complémentarité. Il y a des choses que ton mari ne voit pas, que toi tu vois. Il faut l'aider. Tu dois travailler à côté de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, travaillons dans l'unité. Bannissons tout ce qui nous divise. Travaillons dans l'unité, travaillons dans la complémentarité. C'est ce qui a permis à Néhémie de pouvoir relever les défis de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à les expérimenter au nom de Jésus-Christ. Nous allons louer le Seigneur. Chantons ce chant. Oh, please. élève mon cri, oh, Dieu, il est merveilleux, il est digne de louange. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur, bénis le nom du Seigneur. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui as fait de nous des parfums de bonne odeur pour ta gloire. Tu nous as donné des dons et des talents pour que nous puissions participer à l'édification de ton royaume. Oh, sois béni, éternel notre Dieu, notre Seigneur. Toi qui nous as rachetés à grand prix pour que nous participions à ton œuvre. Nous te louons, ô éternel notre Dieu, notre Seigneur, pour le Saint-Esprit de vie qui produit l'unité dans le corps du Christ et dans nos familles. Nous te glorifions pour l'amour que tu déposes dans nos cœurs afin que nous puissions ensemble travailler pour ton œuvre et pour ta seule gloire. Sois béni, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui nous rend capables de nous aimer et de travailler ensemble. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Néhémie chapitre 3, versets 1 à 32. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB. Que le Seigneur vous fortifie, particulièrement les pays qui sont touchés par cette pandémie. Que Dieu vous visite, que Dieu fasse en sorte que ça s'arrête au nom de Jésus. Qu'il fortifie votre foi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que dans nos églises, chacun de nous puisse mettre la main à la pâte. Quel que soit les rangs sociaux, du pasteur, diacre, les fonctionnaires de l'État, les travailleurs, les orfèvres, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, que tous nous puissions dire, nous allons travailler ensemble pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. La force dans la prière, opération sur la brèche. Nous te bénissons ce matin, ô Père éternel. Nous te glorifions. Nous magnifions ton saint nom. Ton nom est El Elyon, le Dieu au-dessus de tous les autres noms. C'est toi qui nous sécurise. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui nous conduis chaque jour dans le sentier de la justice. Nous nous tournons vers toi ce matin, ô Père éternel, et nous prions afin que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous équiper par ton Esprit Saint, afin que nous puissions tous nous impliquer dans ton œuvre, que nous puissions tous contribuer à l'avancement de ton œuvre dans nos différentes communautés, quel que soit notre poste, que nous soyons pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, que nous soyons diacres, que nous soyons anciens, que nous soyons membres du conseil, quel que soit notre poste de responsabilité, que nous puissions nous impliquer pour la bonne marche de ton œuvre, parce que tu nous as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous sommes une famille. Nous sommes les membres d'un même corps et chaque membre a son utilité. Fais en sorte, ô Père éternel, que selon nos dons, selon nos aptitudes, selon ce que tu as placé en nous, nous puissions les mettre à ta disposition pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions contre toute forme de paresse. Nous prions contre toute forme de lourdeur. Nous prions contre toute forme d'apathie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans ta gloire, ô Père éternel, et que ton Esprit Saint nous fortifie. Exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons travailler dans l'unité et la complémentarité. Nous allons prier pour bannir l'esprit de division, l'esprit qui divise l'Église, qui divise les chrétiens, qui les empêche de regarder dans la même direction. Chassons cet esprit. Prions pour que nous puissions comprendre que dans le corps du Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Nous devons travailler dans l'unité et la complémentarité. Travailler à côté d'eux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui nous as unis en Christ. Nous t'élevons, notre Père et notre Seigneur, toi qui as fait de nous une famille. Oui, Seigneur, nous te glorifions pour des frères et sœurs que tu nous as donnés et nous voulons maintenant nous opposer à l'esprit de division, à la division dans le corps du Christ au nom de Jésus. Et que toutes les puissances de l'ennemi qui empêchent à ce que nous puissions travailler dans l'entente, dans la cohésion et la compréhension soient brisées au nom de Jésus. Nous refusons la division, nous refusons tout esprit d'incompréhension et que le Saint-Esprit de vie vienne nous aider afin que ensemble nous puissions savoir que seuls nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu et que nous puissions réellement nous unir pour te servir dans la vérité et que toute hypocrisie soit bannie au nom de Jésus. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Toi, le Dieu tout-puissant, capable de nous aider à nous unir et à travailler pour ta gloire. Béni sois-tu, notre Père et notre Seigneur. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les couples. Oui, vous savez, quand le diable veut détruire une nation, il commence d'abord par détruire la famille, à détruire le couple. Nous allons prier particulièrement pour les couples des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Oui, afin qu'ils travaillent la main dans la main. Le diable cherche à diviser toujours l'homme et sa femme, le mari et sa femme. Nous allons prier pour que les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, qui sont surtout mariés, travaillent aux côtés de leurs femmes, que leurs femmes travaillent aux côtés de leurs maris, et que tout ce qui les divise soit brisé, banni au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Très excellent Père, nous exprimons notre reconnaissance parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te disons merci, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé mourir pour nous. Nous prions ce matin au Père éternel pour les leaders dans ton œuvre, pour les leaders de ton ministère. Nous prions pour les pasteurs, nous prions pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, tous ceux que tu as appelés comme leaders pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions au Père que tu puisses les inspirer, que tu puisses les guider et surtout que tu puisses apporter ton aide et ton soutien au couple pastoral, au pasteur et son conjoint ou à sa conjointe. Nous demandons, Père éternel, que tu crées cette harmonie en leur sein, que toute forme d'incompréhension, toute forme de division en leur sein soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions et nous libérons l'harmonie au sein des couples pastoraux. Nous libérons la manifestation de l'amour de Dieu au sein des couples pastoraux afin qu'ils soient un exemple dans tout ce qu'ils entreprennent et afin qu'en tant que leader au Père éternel, ils puissent s'accorder pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions pour la cohésion. Nous prions pour la complicité dans cette œuvre. Nous prions pour le soutien mutuel au sein de ces couples au Père éternel. Que rien ne crée la division parmi eux. Afin que chacun sache quel est son rôle dans le foyer, quel est son rôle dans le ministère. Qu'il n'y ait pas confusion au niveau des rôles. Mais que chacun d'entre eux puisse savoir qu'ils ont été appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu fortifie ceux qui sont malades et leur donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui est abattu soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui vit dans l'échec, oui, qu'il voit maintenant aujourd'hui, qu'il vit la victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accompagne dans tes combats et qu'il fasse de tes combats ses combats et qu'il te donne de triompher en cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.